الحمد لله الحمد لله رب العالمين لالونج تا ديو سينيور دي زونيفير والصلاة والسلام الأتمين الأكملين على أمير الأنبياء وإمام المرسلين et que les salutations et les prières complètes et entières soient sur l'émir des prophètes et l'imam des envoyés. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين Et j'atteste qu'il n'y a aucune divinité à part Dieu, tuteur des vertueux. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا رسول الله الصادق الأمين Et j'atteste que notre maître et bien-aimé Muhammad est l'envoyé de Dieu sincère et véridique. أما بعد أيها الإخوة والأخوات في الدين Après ceci, mes frères, mes sœurs dans la religion. إننا كثيرا ما نقرأ في القرآن بعض القصص القرآني الرائع. Souvent, on lit dans le Coran quelques récits ou quelques histoires extraordinaires, mais en même temps réelles. وليس الخيال كما هو في أفلام اليوم et non pas des histoires imaginaires comme dans ce qu'on voit dans les films d'aujourd'hui. قصص يحكيه لنا ربنا ليربينا بالقصة Des récits que nous raconte notre Seigneur afin de nous éduquer par le récit, par l'histoire. ويزيد من إيماننا et qui fait augmenter en même temps notre foi. وترك الله في نفس الوقت قصصا آخر يحكيه لنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. Mais en même temps, Dieu subhanahu wa ta'ala a laissé d'autres histoires et d'autres récits à notre prophète Muhammad صلى الله عليه وسلم afin que c'est le prophète prière et sur lui qui nous les raconte. وقد اخترت لكم اليوم قصة من قصص النبي صلى الله عليه وسلم. Et aujourd'hui, j'ai choisi pour vous une histoire parmi les histoires prophétiques ou du prophète ou racontées par le prophète صلى الله عليه وسلم. وهنا أعطي الكلمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. Là, je laisse la parole au prophète Muhammad prière et salut sur lui. ليحكي لنا قائلا afin qu'il nous raconte إن ثلاثة من بني إسرائيل il y a eu trois parmi les enfants d'Israël أبرص un lépreux وأقرع un teigneux وأعمى et un aveugle أراد الله أن يبتليهم Dieu a voulu les mettre à l'épreuve فبعث إليهم ملكا Et il leur a envoyé un ange. فأتى الأبرص فقال. Il est venu vers le lépreux pour lui dire أي شيء أحب إليك. Quelle est la chose la plus aimée à toi? قال لون حسن. Comme il est teigneux, il a dit un beau teint. وجلد حسن. Et une belle peau. ويذهب عني الذي قد قدرني الناس من أجله et que Dieu me fasse guérir ou bien et de guérir de la maladie pour laquelle les gens m'ont détesté il n'a pas dit Dieu فمسحه l'ange l'a essuyé avec sa main فذهب عنه قدره et l'homme est guéri tout de suite وأعطي لونا حسنا et il eut un beau teint فقال الملك فأي المال أحب إليك l'ange par la suite lui dit l'ange qui est venu sous forme humaine الملك أتى في صورة رجل فقال فأي المال أحب إليك il lui dit par la suite quel est ou quels sont les biens les plus aimés à toi قال الإبل il a dit les chameaux فأعط يعني les chameaux à l'époque c'est comme je sais pas les Mercedes à nos jours ou je sais pas des avions par exemple à nos jours, il va lui donner le marché des avions. Al-Ibil, fa'u'tiya naqatan 'ushara, et il lui a accordé une chamelle porteuse. C'est-à-dire, dans son ventre, il y a un petit. Naqa 'ushara, yani hamil. Faqala barakallahu laka fiha, et lui dit que Dieu te la bénisse. Fa'ata al-aqra, et après il est passé voir le teigneux. Le premier c'était le lépreux, je m'excuse. Awwal kana yani al-abras wa al-an al-aqra. Il est venu voir le teigneux. Faqala ayyu shay'in ahabbu ilayk, quelle est la chose la plus aimée à toi? Qala sha'run hasan, il a dit de beaux cheveux. Wa yadhhabu anni hadha alladhi qadirani an-nas, et de guérir de cette maladie pour laquelle les gens m'ont détesté. Famasahahu, l'ange l'a essuyé. Il ne s'agit pas de l'imagination. C'est le prophète qui raconte l'histoire. Et il est guéri tout de suite. Et il a eu de beaux cheveux. Il lui dit par la suite, quelles sont les sortes de biens les plus aimés à toi? Il a dit, les bovins. On lui a donné, on lui a accordé une vache porteuse. Il lui dit que Dieu te la bénisse. À la fin, il est venu chez l'aveugle, il a vu le lépreux, par la suite le teigneux, et à la fin, l'aveugle. Quelle est la chose la plus aimée à toi? Allah, dakara ism Allah, an yarud Allah basari, que Dieu me rende la vue. C'est le premier qui a cité le nom de Dieu. Les deux premiers n'ont pas dit que Dieu me rende la vue. An yarud Allah basari, fa absir an-nas, et comme ça je vais voir les gens. Il est aveugle. Fa nahnu indana al-basar, nous on n'est pas aveugles, mais on ne remercie pas Allah Ta'ala pour les bienfaits dans lesquels il nous a noyés. Et il l'a essuyé par sa main, et Dieu lui a rendu, c'est Dieu pas l'ange, Dieu lui a rendu la vue. Il lui dit, quels sont les biens qui sont les plus aimés à toi? Qala al-ghanam, il dit les ovins, les brebis. Fa u'tiya shatan walidan, et on lui a donné une brebis pleine. Fa kana li hadha wadin min al-ibil, par la suite le premier a eu une vallée de chameaux grâce à la bénédiction de la demande de l'ange. Wa li hadha wadin min al-baqar, le deuxième a eu une vallée de vache. وَلِهَذَا وَادٍ مِنَ الْغَنَمِ, et le dernier, l'aveugle, a eu une vallée de brebis. ثُمَّ مَرَّتِ الْأَيَّامُ وَالسِّنُونِ, les jours, les mois, les années sont passés. فَعَادَ الْمَلَكِ, l'ange est revenu. إِنَّهُ أَتَى الْأَبْرَصِ فِي صُورَتِهِ وَهَيْئَتِهِ, il est venu voir le lépreux sous son aspect et sa forme initiale, ça veut dire selon l'aspect et la forme du lépreux au début. Il est venu exactement comme lui, à son image. J'ai mis l'abras, j'ai fait surat l'abras. Faqala rajulul miskin, l'ange dit, un homme pauvre. Qad inqata'at bi al-hibal fi safari, j'ai tout perdu dans mon voyage. Fala balagha li al-yawma illa billah thumma bik, je n'ai plus de provisions, et aujourd'hui je ne compte que sur Dieu et par la suite sur toi. As'aluka billadhi a'taka al-lawn al-hasan, je te demande au nom de celui qui t'a donné le beau teint. Wal-jild al-hasan, et la belle peau. Wal-mal, et par celui qui t'a donné cette large fortune. As'aluka ba'iran ataballaghu bihi fi safari, je te demande seulement un seul chameau, un seul avion, un seul chameau afin de continuer mon voyage. Faqala al-huquq kathira. Il lui dit les droits Il lui dit comme réponse, les droits, les taxes sont nombreux, je paye beaucoup aux impôts, les pauvres comme toi passent tous les jours, mais je ne peux pas donner à chacun ce qu'il demande. Faqala, يعني قالوا الحقوق كثيرة وديوش كل نهار نقانا نعطي لهذا الناس هذو فقال الملك كأني أعرفك لونج لوي دي كوم سي جو تو كوني ألم تكن أبرص اسكو تو نتي با ان ليبرو يقدرك الناس ربوسي ديتستي بار لي جون فقيرا فأعطاك الله فأغناك الله اي تو ايتي بوفر اي سي ديو كي تا انريشي فقال إنما ورثت هذا هذا المال كابرا عن كابر. Il lui a donné la réponse suivante. Le lépreux qui est devenu riche, il a dit ces biens je les ai ou j'ai hérité de ces biens de père en fils. فقال إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. الله يردك لذاك المكان اللي كنت فيه والحالة اللي كنت فيها إلى كنت كذاب. L'ange lui dit, dans le cas où tu es menteur, que Dieu te remette à ton état initial, lépreux, pauvre, repoussé par les gens. Et il est venu vers le teigneux, sous son image, sous son aspect, et il lui a dit la même chose que pour le premier, et le deuxième, le teigneux a donné les mêmes réponses que son frère précédent. فَقَالَ إِن كُنْتَ كَذِبًا فَصَيَّرَكَ اللَّهُ إِلَى مَا كُنْتَ. Dans le cas où tu es menteur, que Dieu te remette à ton état initial. وَأَتَى الْأَعْمَى فِي صُورَتِهِ وَهَيْئَتِهِ. Et par la suite, il est venu voir l'aveugle. فِي صُورَتِهِ وَهَيْئَتِهِ. Sous son aspect, son image initiale. فَقَالَ رَجُلُ الْمِسْكِينَ. Il est venu en tant qu'aveugle. Et lui dit un homme pauvre, Wabnu Sabil, je suis voyageur, in qata'at bi al-hibal fi safari, j'ai tout perdu lors de mon voyage, fala balagha li al-yawma illa billahi thumma bik. Et aujourd'hui, je ne peux compter que sur Dieu et par la suite sur toi. As'aluka billadhi radda 'alayka basarak. Ma as'abahu min su'al an yas'alaka rajul bi hadha as-su'al. Kayfa satata'amal مثل الأبرص والأقرع إلى غير ذلك. Je te demande au nom de celui qui t'a rendu la vue. Cette demande est dangereuse, grave, que quelqu'un te pose la même question. Est-ce que tu vas répondre la réponse du lépreux, du teigneux? أسألك شاتا أتبلغ بها في سفري. Je te demande une seule brebis pour pouvoir continuer mon voyage. فقال, il a dit, قد كنت أعمى. J'étais aveugle. فرد الله إلي بصري. Et Dieu m'a donné ou m'a rendu la vue. فخذ ما شئت. هالوادي قدامك هاي مليون ديال ديال إيش الغنم. فخذ ما شئت ودع ما شئت. Il lui a dit la vallée de brebis est devant toi. Prends ce que tu veux et laisse ce que tu veux. فوالله لا أجهدك لا أمنعك اليوم بشيء أخذته لله عز وجل. Par Dieu, je ne t'interdis aujourd'hui rien que tu vas prendre au nom de Dieu ou pour Dieu. Imagine quelqu'un parmi nous et quelqu'un qui vient le vendredi pour demander pour une mosquée, il lui dit, voilà ma poche, prends ce que tu veux et laisse ce que tu veux pas. L'ange lui dit, garde ta fortune. فَإِنَّمَا ابْتُلِيتُمْ On vous a testé. فَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنْكَ Dieu est pleinement satisfait de toi. وَسَخِطَ عَلَى صَاحِبَيْكَ Et il est très en colère par rapport à tes deux amis. هَذَا الْحَدِيثُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ Al-Bukhari wa Muslim. Ce hadith est authentique, est hautement authentique. Al-Bukhari et Muslim. أيها الإخوة والأخوات, mes frères et mes sœurs, لي بعض الملاحظات في الأخير على هذا الحديث. J'ai quelques remarques à la fin à propos de ce hadith. ولكن قبل أن أقول ملاحظات, أتتني ورقة ما فهمت معناها جيدا ولكن أقرأ ربما أنتم تفهموا. Mais avant de continuer, je vais vous lire un petit papier que j'ai reçu et je n'ai pas trop bien compris. بسم الله الرحمن الرحيم. Au nom de Dieu, le miséricordieux, le très miséricordieux. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Que la paix soit pour vous et ainsi que la clémence de Dieu. Indi sayara runu. J'ai une voiture Renault. A'ti yadaha fi sabilillah. Hakada aqra ou ma afham. Je donne ou je la laisse pour Dieu. Yakhussuha faqat battariya. Elle lui manque uniquement une batterie. Une batterie combien? 40 euros? Une batterie. Thanian ou le contrôle technique. Et deuxièmement, le contrôle technique. Fi hala jayida wa salam akhuka fillah. Elle est en très bon état. Et assalam, ton frère en Dieu. Hadi yahabuha fi sabilillah. Elle la donne une voiture. Il lui faut seulement acheter la batterie, passer le contrôle technique. Il l'offre. Que Dieu agrée son œuvre. نسأل الله أن يتقبل صنيعه ونسأل الله أن يبارك في إيمانه. Et on demande à Dieu de bénir sa foi. الملاحظة الأولى, la première remarque. رأيتم كيف شاف الله ثلاث أمراض بسرعة كبيرة. Vous avez remarqué avec moi comment Dieu a guéri trois maladies en une grande vitesse, min ghayri tabib, sans médecin, wala tahalil, sans analyse, wala amaliya, sans opération, wala dawa, sans médicament. Akhi ukhti, frère, sœur, in kunta maridan, dans le cas où tu es malade, wa tala al marad, et la maladie s'est prolongée, wala yanfa' al tabib, et le médecin s'est montré incapable, et le médicament s'est montré incapable, ne désespère pas, dirige-toi vers Allah, il est chef, vers le guérisseur, dirige-toi vers lui, et ta prière, ton invocation est exaucée, قل بإخلاص dis-lui avec sincérité ودموع et avec des larmes ما قاله أيوب ce qu'a dit أيوب prière et sagesse عليه السلام يا رب au Seigneur لم يقول يا طبيب يا رب au Seigneur مسني الضر وأنت أرحم الراحمين le mal m'a touché et tu es le plus miséricordieux de tous les miséricordieux. Ya Rab, irhamni. Ô Seigneur, aie pitié de moi. Ya Rab, irfir dhunubi bihada al-marad. Ô Seigneur, absous mes péchés grâce à cette maladie. Waktub li al-jannah. Et inscris-moi parmi les gens du paradis. I'lam ya akhi wa ya ukhti. Sache frère ou sœur, fa innahu imma shifa wa imma jannah. Ça va être soit une guérison, soit un paradis. الثانية, la deuxième remarque. رأيتم كيف أغنى الله ثلاثة فقراء مطرودين من الناس. Vous avez vu aujourd'hui dans un hadith hautement authentique comment Dieu a enrichi trois pauvres repoussés, détestés par les gens, en grande vitesse. بسرعة كبيرة. Ya akhi, ya ukhti, frère, sœur, in kunta faqiran, dans le cas où tu es pauvre, in kunta da'ifan, dans le cas où tu es faible, in taradaka an-nas, dans le cas où tu es chassé par les gens, in ahanaka an-nas, dans le cas où tu es humilié de la part des gens, in nasiyaka an-nas, dans le cas où les gens t'ont oublié, فتوجه إلى رب الناس. Dirige-toi vers le Seigneur des gens. توجه إلى الذي أغناهم وأفقرك. Dirige-toi vers celui qui les a enrichis, ça veut dire les gens, et qui t'a appauvri. C'est lui qui t'a appauvri. Dirige-toi vers lui. توجه إليه في نور النهار. Dirige-toi vers lui dans la lumière, pendant la lumière du jour. وفي ظلمة الليل, et pendant l'obscurité de la nuit. قل بصدق ودموع. Dis avec sincérité des larmes. Entre toi et lui, personne ne te voit. لا من يراك. إخلاص ودموع بينك وبين خالقك. يا رب ارحم ضعفي. Ô Seigneur, aie pitié de ma faiblesse. ارحم فقري. Aie pitié de ma pauvreté. يا رب لا إله لي سواك. Ô Seigneur, je n'ai pas d'autre divinité à part toi. يا رب طردني عبادك. Ô Seigneur, tes serviteurs m'ont chassé. إلى أين أذهب, vers où dois-je aller? إن أغلقت بابك, dans le cas où tu fermes devant moi ta porte. وثق بالإجابة, et sois sûr et certain de la réponse divine. ثق بأنه سمعك. ثق بأنه رآك. Sois sûr et certain qu'il t'a vu, il t'a entendu. والنتيجة, et le résultat, أن كل من عنده مشكل من غير حل. Le résultat, toute personne qui a un problème insoluble, مع الناس, un problème avec les gens, مع زوجته, un problème avec sa femme, مع أولاده, un problème avec ses enfants, مع جيرانه, un problème avec ses voisins, في عمله, un problème au sein de son travail, إلى آخره, etc. فليتوجه إلى الله. Qu'il se dirige vers Allah. وليقول يا رب, et qu'il dise, ô Seigneur, يا رب. اختار الله لنا كلمة رب. Dieu a choisi pour nous le mot Seigneur, رب, en arabe, رب. لأنها سهلة على اللسان. Parce que ce mot رب, Seigneur, est facile, رب, facile pour la langue. فيها حرفين, il y a seulement deux lettres. رب, Seigneur en arabe, et ce mot est fait de deux lettres. حتى يستطيع كل الناس قولها. Pour que tous les gens puissent la prononcer. حتى المريض الذي لا يتكلم. Même le malade qui n'arrive pas à parler. رب, Seigneur. فإذا قلت بصدق وخشوع ودموع. Dans le cas où tu dis avec sincérité, avec concentration, recueillement, avec des larmes, tu dis, يا رب. أعلنت حالة الطوارئ في السماء. Il y a l'état d'urgence qui se déclare dans le ciel. يرفع كلامك. On élève ta parole فوق السحاب, au-dessus des nuages. وتفتح لكلامك في السماء الأبواب. Et les portes du ciel s'ouvrent devant ta parole. ويجيبك الله. Et c'est Dieu qui va te répondre. يا عبدي. Ô serviteur. وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. Par ma majesté, par mon honneur, je t'assisterai ou je t'accorderai mon assistance même après un court délai. Al-mulahada al-thalitha. La troisième remarque, عند الابتلاء, lors du test, عند الامتحان, lors de l'examen, واحد هو الذي نجح وخسر الآخراني. Un seul l'a eu, c'est-à-dire le test, avec succès, et deux ont échoué. نجح الأعمى, c'est l'aveugle qui l'a eu. لأنه عرف بأنه في امتحان إلهي, parce qu'il a su qu'il était devant un test divin. رأى السائل, il a vu le mendiant devant lui, l'aveugle. ورأى من خلاله الله. Et il a vu à travers le mendiant, il a vu Allah. فقال للسائل, il dit au mendiant, خذ ما شئت, prends ce que tu veux. ودع ما شئت, et laisse ce que tu veux. كان يعيش مع الله, il vivait avec Allah. كان صادقا, il était sincère. قال, il a dit, كنت أعمى, j'étais aveugle. Il n'a pas menti. كنت أعمى, فرد الله إلي بصري. Et c'est Dieu qui m'a rendu la vue. كان كريما, il était généreux. قال, فوالله لا أجهدك اليوم بشيء أخذته لله عز وجل. Il était noble et généreux. Par Dieu, aujourd'hui, je t'interdis pas quelque chose que tu vas prendre au nom de Dieu. لم تحجبه المخلوقات عن رؤية الخالق. Les créatures l'ont pas empêché de voir le Créateur. هذه هي درجة الإحسان. Tel est le niveau de la perfection, de l'excellence. الإحسان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Comme l'a dit le prophète صلى الله عليه وسلم. أعبد الله كأنك تراه. Adore Dieu comme si tu le voyais. فإن لم تكن تراه فعلم بأنه يراك. اعلم بأنه موجود معك. Dans le cas où tu ne le vois pas, sache que lui il te voit. Sache qu'il est toujours avec toi. فأحبه الله ورضي عنه. Et Dieu l'a aimé, a aimé l'aveugle. Et il était satisfait de lui. Les صدقه pour sa sincérité. Les كرمه pour sa générosité. Les إحسانه pour sa bienfaisance. أما الآخران. Tandis que les deux autres, les deux riches, les deux milliardaires. Et combien de musulmans sont milliardaires aujourd'hui? Les deux autres. لم يفهما بأنهما في امتحان إلهي. Ils n'ont pas compris qu'ils étaient dans un test de Dieu. رأوا المسكين. Ils ont vu le pauvre devant eux. ولم يروا من خلاله الخالق. Mais ils n'ont pas vu à travers lui le Créateur. أنستهم الدنيا وحب الدنيا. L'amour, la vie ici-bas et l'amour de la vie ici-bas leur ont oublié. أعمتهم الدنيا والمخلوقات فلم يروا الخالق. La vie ici-bas les a aveuglés ainsi que les créatures et comme ça ils n'ont pas pu voir le Créateur. نسي الذي شفاهما. Ils ont oublié celui qui les a guéris. نسي الذي أغناهما. Ils ont oublié celui qui les a enrichis. قال لهما السائل. Le mendiant leur dit. أسألك بالله. Je te demande au nom d'Allah. أسألك بالذي شفاك. Je te demande au nom de celui qui t'a guéri. وأغناك. De celui qui t'a enrichi. فكان بخيلين. Ils étaient avares. فقال الحقوق كثيرة. Ils dirent les droits, les taxes sont nombreux. ما أخطر أن يسألك أحد شيئا لله. Combien est dangereux, combien c'est grave que quelqu'un te demande au nom de Dieu. فتقول لا. Et tu réponds non. Ça veut dire tu dis non à Allah. لما تقول لا هي لا لله للذي أعطاك للذي أغناك والمصيبة أن تؤذيه بكلامك. Le malheur que tu fasses du mal à celui qui te demande ou tu dises du mal à propos de lui. على الأقل إن لم تستطع العطاء. Au minimum si tu es incapable de donner. الكلمة الطيبة. La bonne parole. الابتسامة الطيبة. Le bon sourire. كان كاذبين لما قال. Ils furent menteurs lorsqu'ils ont dit. ورثنا هذا المال أبا عن جد. أو جدا عن أب. Lorsqu'ils ont dit on a hérité de cette fortune de père en fils. فسخط الله عليهما لكذبهما وبخلهما. Et Dieu s'est mis en colère à propos de ces deux à cause de leur mensonge et deux à cause de leur avarice. والعجيب. Ce qui est extraordinaire. أن الذي كان أعمى هو الذي رأى. C'est que l'aveugle qui a vu, les deux qui étaient voyants étaient les vrais aveugles. C'est l'aveugle qui a vu. هو الذي رأى بأنه في امتحان. C'est l'aveugle qui a compris qu'il était dans un test. والبصيران أمام الامتحان. الأقرع والأبرص كان أعميان. Et les deux voyants, le lépreux, le teigneux, face au test de Dieu, ils étaient aveugles. قال تعالى فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. Dieu dit car ce qui devient réellement aveugle, ce ne sont pas les yeux, mais ce sont les cœurs qui sont dans les poitrines. وفي الأخير أقول. À la fin, je dis إن الله بين لنا عبر هذه القصة. Dieu nous a montré à travers ce récit, à travers cette histoire, كيف يتعامل في هذا الكون. Comment Dieu agit-il dans ce monde. وشرح لنا كيف يتم الامتحان الإلهي. Et il nous a enseigné comment se passe-t-il le test divin. فهو يعطيك. Un jour il te donne. الغنى. لغيشيس الصحة لابون سنتي الأولاد لزنفون العمل لتخفاي الزوجة الزوج لفام لبو etc. فتفرح وتدفين أغو ولكن عطاءه امتحان مصندو نيكانتست ليرى هل ستشكر أم تكفر pour qu'il voit est-ce que tu vas remercier ou tu vas te montrer ingrat. ثم يأخذ شيئا مما أعطاك. Après des jours, après des mois, après des années, il reprend une partie de ce qu'il t'a donné. فتحزن. Et tu vas t'attrister. هناك من يسب. Il y en a celui qui insulte. ويصرخ. Qui crie. والعياذ بالله. On demande à Dieu sa protection. ولكنه امتحان. Mais il s'agit d'un test. ليراك. Afin qu'il te voit. هل ستصبر. Vas-tu supporter avec patience. يموت ولد. Un enfant qui meurt. بن تمرض une fille qui va tomber malade طلاق un divorce الزوج يموت le mari qui décède الزوجة تموت la femme qui décède هل ستصبر أم ستسخط بهكذا est-ce que tu vas supporter avec patience ou tu seras ingrat et en colère devant l'épreuve de Dieu أخي أختي frère ou sœur إنك في هذه الدنيا tu es dans cette vie ici-bas في امتحان دائم dans un test continu. فَإِيَّكَ أَن تُنْسِيَكَ الْمَخْلُوقَاتِ ذِكْرَ الْخَالِقِ Méfie-toi que les créatures ne te font pas oublier l'évocation du Créateur. إِيَّكَ أَن تَكُونَكَ الْأَقْرَعَ أَوِ الْأَبْرَسِ Méfie-toi d'être comme le lépreux ou le teigneux. نَسْأَلُ اللَّهَ تَعَالَ وَتَبَارَكَ أَن يُذَكِّرَنَا إِذَا نَسِينَا نَسْأَلُ اللَّهَ تَعَالَ وَتَبَارَكَ أن لا يعمي أبصارنا نسأل الله تعالى وتبارك أن يجعلنا في زمرة الذاكرين والذاكرات إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير وصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين